Le 4 octobre dernier, Le Monde découvrait la surprenante vidéo de Thibaut, un jeune Lyonnais de 28 ans, qui se déplaçait dans un exosquelette piloté par une interface neuronale. Cet essai, qui a donné lieu à une publication dans The Lancet Neurology, est une preuve de concept très puissante de l'ampleur du développement des technologies d'interface cerveau-machine dans l'assistance aux personnes en situation de handicap via une intelligence artificielle. Tout récemment, un réseau neuronal a permis à une personne paralysée d'écrire des lettres en s'imaginant bouger un crayon. Alors jusqu'où cette IA peut-elle aller dans l'assistance au handicap ? IA et handicap, la déclaration d'indépendance, c'est le programme émancipateur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces recherches et ce nouveau continent qui semble s'ouvrir non seulement dans le domaine de l'ICM, l'interface cerveau-machine, mais aussi dans des systèmes plus souples et moins invasifs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Perrine Séguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis le studio de Radio France à Lyon. Vous êtes médecin spécialisé dans la médecine physique et la réadaptation neurologique. Et nous sommes ici à la maison de la radio dans le studio de France Culture avec Blaise Hivert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM, responsable de l'équipe neurotechnologie et dynamique des réseaux au BrainTech Laboratory à Grenoble. Mais on commence évidemment, comme tous les jours, par un petit tour de l'actualité scientifique du jour. Pas petit d'ailleurs, un tour tout court. C'est le journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Cancer Discovery. Les mécanismes de leucémie infantile viennent d'être identifiés. Et chaque année en France, 2500 cancers sont diagnostiqués chez les enfants. Et pour un tiers, il s'agit de leucémie, aussi appelée cancer du sang. Une équipe INSERM, soutenue par la Ligue contre le cancer, travaille depuis des années sur la leucémie aiguë mégacaryoblastique, la plus grave de toutes et au taux de survie le plus faible. Pourquoi cette maladie est plus souvent diagnostiquée chez les enfants ? En 2012, cette équipe a identifié une altération génétique qui provoque la transformation cancéreuse des cellules et qui est spécifiquement retrouvée chez les enfants et pas chez les adultes. Cette altération génétique conduit à une inversion d'un chromosome, le chromosome 16, qui déclenche une fusion anormale de deux protéines, normalement indépendantes. L'équipe a examiné plus précisément l'expression de cette mutation. Thomas Mercher, directeur de recherche à l'INSERM et à l'Institut Gustave Roussy, il a dirigé cette étude. Nous avons mis en place un modèle expérimental qui permet d'exprimer cette mutation chez la souris pour comprendre si cette fusion est suffisante pour induire une leucémie. On a pu mettre en évidence que si on l'exprime dans des cellules fœtales, donc au cours du développement, la fusion entraîne une transformation leucémique qui est beaucoup plus agressive que si on l'exprime dans des cellules adultes où il n'y a dans un certain nombre de cas pas de développement leucémique. Ça a permis de montrer que cette altération qui est retrouvée chez les patients est bien causale pour le développement d'une leucémie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'identification de cette fusion de protéines, c'est une nouvelle cible thérapeutique. Oui, tout à fait. Ce que cette étude-là vient de montrer, c'est qu'effectivement, c'est bien en fait l'oncogène, c'est bien la mutation qu'il faut cibler, parce que en fait, avec le système qu'on a utilisé, qui est un système expérimental particulier où on peut exprimer la fusion et ensuite l'éteindre, on a montré que quand on éteint la fusion dans les cellules leucémiques, ensuite les cellules arrêtent de proliférer et redonnent des cellules hématopoïétiques normales, des cellules du sang normales. Donc on sait maintenant que c'est bien cette fusion qu'il faut cibler et les mécanismes qu'elle utilise au sein de la cellule. Et on passe au bref du jour. Selon une étude parue dans la revue Science, planter des milliards d'arbres n'est pas une solution au dérèglement climatique. Une étude parue en juillet affirmait que replanter 1000 milliards d'arbres permettrait de capturer 205 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, soit le tiers du CO2 émis depuis la révolution industrielle. Dans cette nouvelle étude, 46 scientifiques montrent que le reboisement massif de la planète n'est pas une bonne option. Cela est positif pour les zones touchées par la déforestation. En revanche, pour les zones qui ne sont pas boisées à l'origine, comme les savanes ou les pelouses, la démarche est contre-productive. Planter des arbres au mauvais endroit peut menacer les écosystèmes, voire provoquer plus d'incendies. Les chercheurs appellent à restaurer les forêts tout en préservant la diversité des environnements naturels. Le spectrographe DESI réalise ses derniers tests avant d'être opérationnel en 2020. DESI, hein, c'est un instrument spectroscopique inédit qui a pour mission l'observation de l'énergie noire. Cette force invisible dont on ne sait pas grand-chose, mais qui expliquerait l'expansion rapide de l'univers. Le DESI est monté sur le télescope Kitt Peak en Arizona. Ses 5000 robots sont dotés d'une fibre optique. À partir de 2020, il va cartographier le ciel pour mesurer la distance de 35 millions de galaxies. Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, la comète de Iborisov libérerait de la vapeur d'eau. On sait que les comètes de notre propre système solaire sont très riches en eau. Et à partir des observations spectroscopiques de l'observatoire d'Apache Point au Nouveau-Mexique, une équipe américaine a détecté, dans les éjections gazeuses de la comète, des émissions d'oxygène, un traceur classique de la présence d'eau. Il manque encore des informations sur sa composition et sur la nature de son noyau pour déterminer précisément le taux de production de H2O. Mais à première vue, la comète interstellaire de Iborisov continue de présenter les mêmes caractéristiques que les comètes de notre système solaire. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le projet Journal des Sciences et vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les liens vers les études qui ont été évoquées sur notre site, sur le site de la méthode scientifique, sur la page de l'émission du jour sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap et seulement 10% d'entre elles disposent d'outils pour les aider dans leur vie quotidienne. Alors depuis quelques années, pour les handicaps moteurs principalement, les progrès des neurosciences et des neurotechnologies égrènent mois après mois des résultats de plus en plus surprenants, dont nous parlons d'ailleurs assez souvent et assez régulièrement à ce micro, notamment quant au contrôle de membres robotiques ou d'interfaces de communication pour des personnes privées de mobilité. Jusqu'au 4 octobre dernier, cette étude publiée dans The Lancet Neurology, où un pas semble avoir été franchi, comme en témoigne ce reportage diffusé au journal télé. Ces images ont fait le tour du monde. Tétraplégique depuis 4 ans, Thibaut est capable de marcher. Il est le premier homme à faire fonctionner cet exosquelette par la pensée. J'ai été opéré en juin 2017. Un mois après, je marchais. Avec l'exosquelette. Au début, comme je ne sens pas mes jambes, la marche, j'avais vraiment l'impression d'être un génie qui volait. Et en dessous, c'était un nuage de fumée qui avançait, quoi. J'ai tout de suite su que ce serait un projet qui serait le prolongement de mon combat que j'ai eu depuis le début. Cette sensation de participer à quelque chose et d'intégrer un projet exceptionnel, quoi. C'est un peu comme Neil Armstrong, quoi. La première fois qu'il a marché, bon, ça a été un aboutissement. Il a fait que 2-3 pas pourtant sur la Lune, quoi. Voilà ce reportage du journal télévisé de TF1, une réaction, hein, on entend, évidemment tout ça est présenté de manière parfois un peu, disons, flatteuse, un mois après je remarchais, il faut remettre peut-être un peu de science derrière tout ça, c'est un long travail, Blaise Hiver, il y a beaucoup d'entraînement, ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Alors non, il y a beaucoup d'études en interface cerveau-machine pour essayer de redonner de la mobilité. Ça peut être des membres supérieurs. En général, c'est des membres supérieurs. D'ailleurs, dans cette étude, c'est principalement les membres supérieurs. Et il y a différentes approches. Il y a des approches avec différentes techniques. Et la caractéristique de cette étude-là, c'est de se placer à un niveau semi-invasif, c'est-à-dire pas complètement non-invasif avec des électrodes en surface de la tête et pas complètement invasif avec des électrodes à l'intérieur du cerveau. On va revenir sur cette différence d'invasivité et puis on a même la chance d'avoir pu aller à Clinatech qui est l'institut grenoblois qui a développé cet ICM et l'exosquelette. On ira tout à l'heure avec Antoine Beauchamp dans le reportage du jour. Une réaction peut-être, Perrine Séguin, est-ce que alors un pas a été franchi, évidemment l'expression est un peu malheureuse, mais est-ce qu'il y a vraiment du coup un effet seuil qui vient d'être passé avec cette nouvelle technologie et cette étude ? Alors moi, de par ma formation clinicienne, j'ai un regard un peu plus mitigé sur cette étude qui vient d'être publiée. Pourquoi ? Parce que quand on dit que le patient peut remarcher, en fait, c'est un concept qui reste très vague. Et en l'occurrence, là, marcher, le patient a fait quelques pas. Je crois qu'il fait 450 mètres sur l'ensemble de l'étude. C'est dans un espace confiné. C'est des pas qui sont très lents. C'est très instable. Il faut que l'exosquelette soit fixé. donc qu'ils soient au sein d'un laboratoire. Donc quand vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle au service de l'indépendance des patients, là on est dans une preuve de concept où il y a des progrès, il y a un saut technologique qui est fait parce que le capteur est complètement embarqué, le patient a pu s'entraîner chez lui à la maison. Et c'est la première fois avec un dispositif conçu exprès pour les interfaces cerveau-machine, donc c'est une avancée notable et remarquable. La peau est complètement refermée sur l'implant, ce qui était loin d'être le cas dans la plupart des études en interface cerveau-machine invasive jusque-là. Par contre, voilà, au niveau des progrès de l'indépendance et du choix stratégique qui a été fait d'orienter vers l'utilisation d'un exosquelette plutôt que vers d'autres effecteurs qui permettent une meilleure autonomie du patient, à mon sens, c'est pas, on peut en discuter, mais je trouve que c'est pas un progrès. Qu'en pensez-vous, Blaise Hiver? On est là et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est effectivement une démonstration de force, une preuve de concept très puissante, mais qu'effectivement, et on le redira tout au long de cette émission, on est loin de l'indépendance, on est loin de l'autonomie, mais néanmoins, ces progrès-là, en tout cas les publications, sont de plus en plus fréquentes et c'est un domaine qui avance relativement vite. Oui, complètement. Donc, je suis un petit peu d'accord avec avec Perrine. D'un autre côté, pour la première fois, enfin l'originalité de l'étude, c'est d'arriver à contrôler différents, enfin un grand nombre de degrés de liberté, et donc ça, et avec un implant qui est voilà, qui est sans fil et semi-invasif et semi-invasif, oui. Et complètement à l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui permet de limiter les infections. Voilà. Alors après, il y a d'autres applications des interfaces cerveau-machine qu'on peut envisager pour redonner de l'autonomie aux patients, dont notamment essayer de faire rebouger ses propres membres avec de la stimulation des muscles de la périphérie ou des nerfs de la périphérie. Ou alors redonner la parole. Si on va examiner un peu tout ce que permettent ces interfaces cerveau-machine, et pas seulement, peut-être un mot tout de même, parce qu'on va évidemment parler des projets technologiques de ces interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire du hardware, hein, des implants que l'on peut mettre, des implants donc invasifs, semi-invasifs en l'occurrence, ou non-invasifs. On va dire quelle est la différence, on va repréciser tout ça dans quelques instants, mais l'autre progrès, c'est sur le software, c'est sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. De ce côté-là, Perrine Séguin aussi, c'est parce que bien ces réseaux neuronaux sont de plus en plus efficaces, qui permettent de lire de mieux en mieux le bruit, ou en tout cas le signal sur bruit cérébral, qu'on peut arriver et qu'on peut espérer voir des progrès assez rapides dans les mois qui viennent. Oui, effectivement, c'est associé aussi avec une meilleure compréhension du système cérébral d'une manière générale. Et les avancées qu'on a en décodage des signaux permettent d'utiliser des implants qui sont de moins en moins invasifs. Alors, juste pour parler du concept de semi-invasif, on reste quand même, le sens du mot invasif, c'est dès qu'on nécessite une lésion. Donc là, on a besoin d'un plateau chirurgical avec un neurochirurgien. Donc il y a quand même toutes les contraintes de l'invasif. La seule chose qui est un peu mieux dans le semi-invasif, c'est qu'on pénètre pas dans le cortex et donc il y a un tout petit peu moins de risques. Mais effectivement, c'est grâce à l'avancée qu'on a dans les techniques d'intelligence artificielle qu'on arrive à progresser et à être moins délétère au long terme. Et ça permet ça de garder l'implant beaucoup plus longtemps et d'avoir des durées d'études qui maintenant, on l'a vu, jusqu'à 3 ans après l'implantation, les implants semi-invasifs fonctionnent. Ce qui n'était pas du tout le cas avec les implants intracortical. Blaise Hiver. Oui, en fait, il y a deux poids deux mesures. Enfin, il faut trouver l'équilibre entre la finesse des signaux qu'on peut enregistrer pour arriver à en tirer le maximum pour avoir une précision de décodage qui soit suffisante pour arriver à un contrôle fin des effecteurs, et puis le degré d'invasivité. Donc pour l'instant, jusqu'à maintenant, soit on avait des interfaces cerveau-machine non invasives avec des électrodes de surface, mais qui permettaient de contrôler qu'un nombre restreint de degrés de liberté, soit on mettait des implants intracorticaux, et c'est toujours un petit peu la route vers laquelle on va, pour essayer d'avoir le détail des activités. Mais dans ce cas-là, les électrodes qui sont utilisées ne permettent pas de garder le signal de manière stable dans le temps. Ce qui pose des problèmes après, c'est pour que le patient puisse apprendre à contrôler son système externe. Voilà, c'est un peu une dualité finalement, traitement du signal et qualité d'acquisition, en fait. Voilà, alors détail des signaux, en fait, et niveau... Qualité, ça c'est la qualité d'acquisition in situ, c'est-à-dire dans le cerveau avec les implants. et de l'autre côté la capacité à traiter et à distinguer effectivement avec des algorithmes et avec une intelligence ou des réseaux neuronaux qui permettent de mieux en mieux de traiter ce rapport signal-bruit. Oui, alors comme le dit Perrine, les algorithmes sont de plus en plus performants, ce qui permet de tirer de plus en plus la substantifique moelle des signaux qu'on enregistre, ce qui fait que même avec des signaux un peu bruités en surface de la tête, on arrive à en extraire des informations, voilà. Mais pour arriver vraiment à un degré fin de contrôle, il faut parvenir à avoir un nombre élevé de sites d'enregistrement et puis une précision sur ces enregistrements, si possible au niveau des neurones individuels. Perrine Séguin ? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Blaise. Juste aussi, ce qui a changé par rapport aux premières études qui étaient faites dans le décodage des signaux neuronaux, c'est qu'on peut faire tout ça maintenant en temps réel, en fait. Donc, on pouvait, dès les années 60, décoder certaines intentions de mouvement avec des fonctions assez simples, comme celle du cosinus, où on voyait certains neurones qui déchargeaient préférentiellement quand le sujet, en l'occurrence un singe, faisait un mouvement dans une direction. Maintenant, l'avantage qu'apportent ces techniques, c'est qu'on peut traiter une très grosse masse de données en très peu de temps. Et ça permet aux patients d'avoir un retour en temps réel sur les facteurs qu'ils voient fonctionner, donc soit les ossolettes, soit de l'écriture, comme vous disiez tout à l'heure, soit un bras robotisé. Et du coup, il apprend, comme fait un enfant pour apprendre à contrôler ses membres, il y a une interaction en fait, qui se fait de la plasticité au niveau du cerveau du patient, en plus de la machine qui apprend aussi au fur et à mesure. Ce qui était fort dans l'étude de Clinatech aussi, c'est que c'était une des premières fois où on voyait des calibrations, c'est-à-dire le réglage de la machine qu'on fait de manière très personnalisée sur les signaux cérébraux du patient. En début d'habitude, on fait ça au début de chaque session. Et là, ça pouvait durer plusieurs semaines. Donc ça, c'était très intéressant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons de l'intelligence artificielle et de la façon dont elle peut être un assistant dans un certain nombre de situations de handicap. Nous en parlons avec Perrine Séguin qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon et avec Blaise Hiver ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris. Eh bien, on va peut-être en fait aller voir exactement dans les locaux de Clinatech cette étude publiée dans The Lancet Neurology. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu à Grenoble, au centre Clinatech, qui a développé non seulement l'ICM et l'exosquelette, mais aussi le programme qui a rendu une forme de mobilité à Thibault. Oui, et c'est Thomas Costecalde qui m'a reçu. Thomas Costecalde est chercheur en neurosciences. Il est impliqué dans ce projet de recherche BCI pour... BCI, c'est l'acronyme anglais d'interface cerveau-machine du centre de recherche Clinatech à Grenoble, avec Alim Louis Benabid, mais aussi Alexandre Vernet, Serpil Caracas et Tatiana Aksenova. Thomas Costecalde a développé cet exosquelette, il nous en explique le fonctionnement et il nous dit de quelle nature sont les implants cérébraux greffés à Thibault, le patient tétraplégique de 28 ans qui participe à cette étude. Après avoir réussi à faire se déplacer l'exosquelette et bouger les bras, tout le travail de Thibault consiste désormais à arriver à prendre des objets. Alors là, voilà, c'est un petit démonstrateur qui permet de voir en fait comment sont positionnés les implants. Donc en fait, on voit qu'il y a une craniotomie qui est faite. Le chirurgien retire une rondelle d'os de diamètre de 5 cm. Et en fait, l'implant a la même forme et est prévu en fait pour remplacer ce morceau d'os. Et il se fiche en fait dans l'espace. Voilà, il se fiche dans l'espace. Et en fait, le cerveau est protégé par une enveloppe qu'on appelle la dure-mère, qui là n'est pas ouverte. Donc l'implant est au-dessus de la dure-mère. On parle d'un enregistrement épidural, ce qui permet en fait d'avoir une diminution des risques. C'est-à-dire que l'ouverture de la dure-mère est très risquée. Et en fait, cette chirurgie-là, selon les neurochirurgiens, est assez facile. Donc c'est semi-invasif, on va dire. C'est ce qu'on a mis comme terme dans la publication. Parce qu'on voulait dire, en fait, c'était moins invasif que beaucoup de projets BCI qui utilisent des micro-électrodes qui sont en fait des puces qui sont plantées dans le cortex. Donc là, en fait, l'enveloppe qui protège le cerveau, elle, n'est pas du tout ouverte. Donc on a juste un morceau d'os à retirer et positionner les implants. Alors là, on est rentré dans une salle un peu particulière. Je crois qu'il y a l'exosquelette qui est là, c'est ça ? Exactement. Donc là, il est en position assise. Donc quand il est assis, ça permet d'installer facilement le patient. Et ensuite, le patient peut faire des expériences soit assis, face à un mur de cible. Et donc, il doit essayer de toucher des cibles avec le bras de l'exosquelette qui dispose d'une petite tige pour avoir une précision, en fait, pour pouvoir tester la performance du patient. Et ensuite, on peut le mettre en position debout pour qu'il s'entraîne à la marche. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, en fait, justement, le rail de sécurité de suspension, en fait, dispose de crochets qui sont prévus pour être positionnés sur l'exosquelette. Et comme ça, ça permet d'accompagner la montée quand on verticalise l'exosquelette, y compris avec le patient. Donc là, c'est ça le patient. Et ça permet de contrôler la vitesse. Dans le projet, on envisage aussi d'avoir un degré de liberté qui permette au patient d'imaginer qu'il se lève et qu'à ce moment-là, la montée de l'exosquelette soit contrôlée par l'activité cérébrale. Et là, on doit juste faire en sorte que le système de sécurité soit synchronisé avec la levée de l'exosquelette. C'est un petit développement qui reste à faire. Alors, c'est un exosquelette complet, on va dire. C'est-à-dire, on appelle ça 4 membres. Au centre, en fait, il y a une assise sur laquelle est positionné le patient. Les bras sont positionnés dans des espèces de gouttières pour pouvoir les attacher à l'exosquelette. Il a des orthèses faites sur mesure pour les avant-bras qui permettent, en fait, de fitter son bras et l'exosquelette pour pas avoir de point d'appui, pour prévenir tout ce qui est escarre, tout ce qui est... problème de pression sur la peau, les choses comme ça. Donc ça, c'est fait sur mesure. C'est un travail qui est fait avec Ambrois Orthopédie. Et les jambes, en fait, sont également positionnées grâce à des attaches, des gouttières, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et le patient, actuellement, peut faire des expériences pendant une heure et demie verticalisées, parce qu'il se sent bien, il n'y a pas de problème d'hypotension. Donc du coup, ça permet de faire beaucoup de tests de marche, ce qui est très utile pour le projet. Après, les dispositifs qui ont été implantés dans son cerveau, où est-ce qu'ils ont été implantés? Quelle simulation, quelle stimulation ils provoquent? Alors, les implants ont été positionnés donc un sur chaque hémisphère, sur la zone sensorimotrice des membres supérieurs. Il n'y a pas de stimulation sur ces implants, en fait. C'est des implants qui ne disposent pas de batterie. En fait, il y a un casque qui est positionné sur la tête du patient, en regard des implants, donc qui a été designé grâce à un scanner du patient. Donc, on savait exactement où étaient les électrodes, la forme du crâne. Et ce casque, en fait, fournit l'énergie pour démarrer les implants et récupère les signaux transmis par l'implant. Donc, quand on enlève ce casque, en fait, les implants n'ont plus du tout d'activité, ils ne sont plus du tout allumés, il n'y a plus d'énergie dedans. Alors, les tests, généralement, du coup, on positionne le casque pour allumer les implants. On fait une première acquisition juste pour voir si toutes les électrodes vont bien, pour regarder les signaux, justement, corticaux, pour anticiper s'il y a un problème, une dégradation. Donc là, on est à plus de 27 mois d'acquisition et on voit que la stabilité des signaux est bonne, il n'y a pas de baisse de qualité. Et la deuxième phase, en fait, c'est que le patient s'entraîne à contrôler les avatars. Donc la difficulté pour le patient, c'est d'imaginer des mouvements de façon répétitive et similaire. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui permettent de décoder l'activité cérébrale et de décider cette activité permet de monter le bras, descendre le bras vers la gauche, vers la droite. Et pour ça, le patient, en fait, doit conserver la même imagination, la même chose, la même tâche, on va dire. Donc, ça a été très progressif. On a commencé par des décodages qu'on appelle binaires ou switch, donc de la marche. Donc, un avatar à l'écran, on lui donne la consigne d'imaginer qu'il marche, puis ensuite de se reposer pour créer la période de repos et que l'avatar ou l'exosquelette ne marche pas. Et ensuite, on est passé au membre supérieur. Le but était de le contrôler en 3 dimensions, donc ce qui est un peu plus complexe parce que c'est du décodage continu, c'est-à-dire que le bras se déplace en continu dans l'espace. Et là, c'est pareil, ça a été fait en commençant par 1 dimension, puis rajouter 2e dimension, et à la fin, en 3 dimensions. Le patient a un retour chez lui visuel, il a un feedback par rapport à ce que fait l'avatar sur l'écran. Pour le 3 dimensions, c'est un peu plus compliqué, parce que sur un écran, c'est un écran 2 dimensions, donc la profondeur est un peu plus dure à appréhender pour le patient. Et on a vu que quand il venait à Clinatec pour travailler à l'exosquelette, il vient que 3 jours par mois, donc il a beaucoup moins de séances d'entraînement. La séance dure aussi moins longtemps parce que c'est plus fatigant pour le patient. Et on a vu qu'il arrivait très facilement à le contrôler. Donc du coup, on pense aussi que le retour feedback réel permet une meilleure appropriation de la machine par rapport à son intention de mouvement et surtout le feedback visuel. Et la dernière étape, du coup, ça a été ce qu'on a appelé le multimembre, c'est-à-dire réunir plusieurs membres. Donc là où on est arrivé au maximum pour la publication, c'est que le patient a réussi à contrôler ses 2 bras en 3 dimensions, ainsi que contrôler la rotation de chaque poignet. Séparément, il est capable d'activer la marche. Et ce qu'on a débuté depuis 2 mois, c'est de réunir justement la marche et les bras dans la même expérience. Et donc du coup, là, le but, c'est que dans la salle d'entraînement, le patient se déplace avec l'exosquelette, s'arrête à un endroit, touche un objet, continue à marcher, touche un autre objet. L'étape finale, ça sera de rajouter l'appréhension pour pouvoir avoir, on va dire, un contrôle un peu total, c'est-à-dire que le patient pourrait marcher, bouger les bras, attraper des objets et tourner aussi les poignets. Voilà, et si ça vous intéresse de prolonger la visite du Centre Clinatech de Grenoble, je vous propose de retrouver sur la page internet de l'émission du jour une version longue de ce reportage. Voilà, et puis sur la page, sur le fil Twitter, vous pouvez même avoir une petite vidéo pour voir à quoi ressemble cet exosquelette. Merci beaucoup Antoine Beauchamp. Une réaction peut-être l'un et l'autre. Perrine Séguin, pour commencer. Oui. Bon, j'ai trouvé que c'était très intéressant la manière dont c'est présenté. Après, moi, je reste assez sceptique de la stratégie qui est abordée, qui est de choisir déjà de donner autant de place à la marche, alors que finalement, ce qui va être utilisé là, enfin dans le papier, en tout cas, ce qui était utilisé, c'est un switch, c'est-à-dire on dit on/off et on active l'exosquelette et la marche est lancée. Donc c'est bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de lancer ça avec son contrôle cortical, je sais pas, surtout que le fauteuil roulant va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que là, vraiment, ça fonctionne en termes de preuve de concept et pas tant de volonté de démonstration d'efficacité. Certes, mais du coup, mettre autant de moyens alors qu'on pourrait aller plus vite au service des patients. Si vous voulez, nous, on est confrontés tous les jours à des patients qui ont des besoins immenses. Et quand il y a autant de moyens et financiers et d'énergie et de compétences qui sont développés pour des fonctions qui vont pas être utiles aux patients, c'est bizarre pour nous. Et surtout qu'on est dans des champs entre la recherche sur le handicap et la prise en charge en soins du handicap. On est dans des champs qui manquent cruellement de financement. Donc, il y a quand même des choix, à mon avis, éthiques et sociétaux à faire pour que les innovations arrivent plus vite auprès des patients. Et quand ils passent du temps sur le membre supérieur, ils passent du temps sur la restauration, donc des fonctions de l'épaule, du coude, mais ils n'ont pas encore, comme il disait, l'appréhension. Et c'est vraiment l'appréhension qui va tout faire, qui va faire que le patient va vouloir se servir de son bras. Nous, ce qu'on observe en rééducation, c'est que si on ne restaure pas un geste utile, le patient ne va plus utiliser son bras. Parce que ça ne sert à rien de lever votre bras si vous ne pouvez pas un objet ou vous tenir à une canne ou voilà. On a entendu néanmoins que l'appréhension c'était l'étape d'après et que là je pense qu'une fois de plus cette étude était vraiment la volonté de démontrer cette preuve de concept. Dans le sud, j'entends bien vos a priori, mais peut-être Blaise Hiver un mot également. Oui, je pense que ce qui est clé en fait dans cette étude c'est l'implant. Enfin, à mon avis c'est un outil technologique qui est quand même qui a peut-être ses limites, mais qui marche. Qui est unique au monde et qui devrait permettre plusieurs types d'applications. Donc là, il y a une démonstration, c'est vrai, avec ses limites, etc., pour bouger un exosquelette, mais ça pourrait être utilisé pour d'autres choses. Donc voilà. Donc je pense que on a un petit un développement technologique. Faisons un petit coup de cocorico quand même. Oui, bien sûr. Et on a. Ça a coûté beaucoup d'argent. Il y a eu des sacrifices multiples. Mais voilà, il y a quelque chose qui est sorti. Donc maintenant, à nous tous, à la communauté, de l'utiliser au mieux pour différentes objectifs. Et puis comme toujours, sur ces études qui sont très voyantes et qui sont énormément reprises dans les médias d'information généraliste, c'est aussi beaucoup de communication, donc beaucoup d'intérêt. Et puis par ailleurs, derrière, on imagine aussi de l'intérêt pour des investisseurs. Et puis ça a la volonté d'être un peu un fer de lance, même si évidemment il peut y avoir des critiques ou des défauts. Voilà. Donc, et justement, il faut quand même aussi, et peut-être que les films le montrent, souligner les limites quand même de ces technologies, ne pas éveiller peut-être trop d'espoir aux patients qui vont croire que dans un avenir court on aura des solutions. Oui, moi je me suis permis, je me permets de faire les retours de ce qu'on a sur le terrain. Bien sûr, aussi, mais vous faites absolument bien. C'est pas du tout une critique, au contraire. J'essaie juste de temporiser un peu pour qu'on dise que malgré tout, il y a tout de même quelque chose d'intéressant Plus, je le pense authentiquement qu'il y a quand même des avancées, mais comme je vous le disais, plus sur la captation du signal et traitement du signal de plusieurs commandes en même temps, comme le disait Blaise aussi. Mais c'est vrai que, en fait, on est obligé, nous, de revenir un peu là-dessus, parce que déjà, on n'a pas beaucoup la parole pour le faire au final dans les médias. Et aussi qu'on est confronté à des patients qui viennent nous voir en pensant être concernés par ces nouvelles technologies qui sortent, qui sont très médiatisées, et on se retrouve à leur dire non, vous savez, c'est quand même ça n'apporte pas encore de bénéfices sur la qualité de vie. Et toute la stratégie qu'on a dans nos services en rééducation, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie. C'est pas d'être normatif, de remettre les gens debout juste pour les mettre debout. C'est vraiment que ça ils puissent après s'épanouir avec les capacités qu'ils ont. Et donc voilà, on passe beaucoup de temps à discuter avec les patients de ça, et je pense qu'il faut être assez mesuré dans les propos qu'on utilise, parce qu'après il y a une perte de confiance aussi vis-à-vis du corps médical, parce que nous, en France, on va pas leur proposer d'être implantés tout de suite, et même ailleurs dans le monde, et du coup les patients veulent aller ailleurs, alors que du coup ils perdent du temps aussi et des chances de rééducation sur place. Bien sûr, et on va parler bien sûr maintenant et dans la suite de cette émission concrètement aujourd'hui de ce qui est possible et de vos travaux et de la façon dont ces interfaces cerveau-machine et dont l'intelligence artificielle peuvent permettre de récupérer une forme d'autonomie sans en dépassant cet effet d'annonce évidemment très spectaculaire de cette étude et de cet exemple grenoblois. On en reparle dans quelques instants. Walking down through the park. I'm gonna walk in the moonlight, walk until the night gets dark. I'm going hard walking down on the avenue. I'm going out walking down on the avenue. I'm gonna walk so long till she don't know what to do. Muddy Waters, Walking Through the Park sur France Culture à 16h32. Nous parlons tout au long de cette heure de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux et de la façon dont ils peuvent bien accompagner un certain nombre de programmes et d'assistance aux personnes en situation de handicap. Nous en parlons avec Perrine Séguin qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon et qui est médecin spécialisé dans la médecine physique et la réadaptation neurologique, avec Blaise Hiver qui est directeur de recherche INSERM, responsable de l'équipe neurotechnologie et dynamique des réseaux au BrainTech Laboratory de Grenoble. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Vigne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse au Centre Automatique et Systèmes de l'École des Mines de Paris. Vous travaillez sur l'estimation d'état et commande des flexibilités d'un exosquelette. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Merci pour cette introduction. Donc, je réalise ma thèse en partenariat avec Wondercraft, une start-up française qui développe Atalante, un exosquelette de jambes, donc le premier exosquelette capable de réaliser une marche dynamiquement stable et auto-équilibrée, donc sans avoir besoin de béquilles ou d'assistance extérieure. Donc, le produit est déjà fonctionnel et est vendu depuis un peu moins d'un an aux centres de soins et aux hôpitaux pour permettre donc des séances de rééducation. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, loin de là. L'objectif de l'entreprise est de réussir à développer un exosquelette que les patients puissent utiliser dans la vie de tous les jours, chez eux, et notamment en extérieur. Ce qui suppose d'être capable de se déplacer sur un environnement beaucoup moins connu et beaucoup plus incertain, et donc d'avoir une marche beaucoup plus stable et robuste. Et c'est là que mes travaux interviennent. Une des limitations de la stabilité de la marche aujourd'hui est la présence de flexibilité au sein de la structure. Atalante, comme n'importe quel système mécanique, se déforme sous l'effet de forces extérieures, principalement de son propre poids. Ces flexibilités sont en partie une bonne chose, puisqu'elles vont venir protéger la structure des impacts en absorbant l'énergie et en évitant que celui-ci ne se casse. Mais elles introduisent aussi des problèmes dans la capacité de positionnement du système. Par exemple, le pied sera systématiquement plus bas que prévu à cause des déformations, et donc lors de la réalisation de trajectoires de marche, l'exosquelette va venir impacter le sol trop tôt. Ces impacts précoces risquent à leur tour de déstabiliser l'exosquelette et de le faire tomber. Mon sujet de thèse consiste donc à venir contrer l'effet de ces flexibilités par une commande adéquate sur les moteurs de l'exosquelette pour finalement remettre le pied au bon endroit. Une première difficulté pour exercer ce contrôle réside déjà dans la mesure des flexibilités. En effet, on parle de déformation de la structure qui n'est pas instrumentée directement. Il n'existe pas de capteur simple et facile à intégrer pour avoir une mesure directe de ces flexibilités. On pourrait penser à des jauges de contrainte par exemple, mais il faudrait les intégrer dans la structure, au risque de la fragiliser et de causer d'autres problèmes. Pour résoudre ce problème, donc, nous avons recours à une mesure indirecte des déformations, en utilisant un capteur qui ne va pas directement nous donner les déformations, mais nous donner des grandeurs qui y sont liées, à partir duquel on pourra en redéduire ces flexibilités. En l'occurrence, nous utilisons des centrales inertielles, des capteurs constituant en fait de l'assemblage de deux composants différents, un gyroscope qui mesure la vitesse angulaire et un accéléromètre qui mesure l'accélération linéaire. Donc ces deux capteurs ne donnent pas directement accès à une position, mais vont donner des grandeurs qui sont liées à la position, puisque la vitesse est la dérivée de la position, et l'accélération, la dérivée seconde. En prenant en compte ce modèle mathématique qui existe entre la grandeur qu'on veut mesurer, la position, et les mesures effectives qu'on a, on peut construire un algorithme qu'on appelle un observateur, qui va pouvoir fusionner les mesures et le modèle dont on dispose pour récupérer au final une estimation de la grandeur qu'on veut actuellement mesurer. En l'occurrence, donc, il est possible, avec une centrale inertielle, d'avoir accès à une mesure de l'orientation de l'IMU. On refusionne ensuite cette estimation d'orientation avec un modèle géométrique qui prend en compte les positions des points autour duquel l'exosquelette pour se déformer, pour au final obtenir une mesure de ces déformations, et donc une mesure de la position du pied déformé. Maintenant qu'on dispose de cette mesure, on va pouvoir commencer à considérer le contrôle du pied. Donc on sait maintenant que le pied est trop bas, comment faire pour le remonter? Pour cela, il faut prendre en compte les changements dans la dynamique qui ont lieu maintenant que le système est flexible. En considérant un système rigide, en effet, un moteur agit directement sur la masse qu'on veut contrôler. La loi de Newton nous dit que le moteur agit directement sur l'accélération du corps, et donc on peut contrôler sa position comme ça. Maintenant qu'on a des flexibilités, on va venir considérer qu'en fait, il y a un ressort qui est présent dans le système entre le moteur et la masse qu'on veut contrôler. Donc maintenant, le moteur va simplement venir écraser le ressort, et le ressort, à son tour, va venir déplacer la masse. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, et qu'on demande brutalement au moteur d'atteindre la position désirée, il va venir compresser le ressort, qui, en se détendant, va créer des oscillations, donc des vibrations dans la structure, qui évidemment ne sont pas désirables. Il faut donc prendre en compte le modèle de ressort dans le contrôleur, et c'est ce que nous faisons en utilisant la mesure qu'on a de la déformation du ressort. Ainsi, on demande au moteur non pas seulement d'aller à la position qui a été demandée, mais aussi de le faire en anticipant et en précompensant les déformations du ressort, si bien qu'au final, c'est le moteur qui va osciller, mais plus le ressort. On obtient en sortie un contrôle lisse qui n'oscille pas, et on est capable, comme ça, de corriger la position du pied, de le remettre au bon endroit. Finalement, artificiellement, on fait comme si le système était rigide et ne s'était pas déformé, le pied est à nouveau au bon endroit, et la qualité de marche en est améliorée. Merci beaucoup Mathieu Vigne pour cette présentation. Peut-être une réaction d'un et d'autre à ce que vous venez d'entendre, Perrine Séguin ? Non, mais voilà, ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que effectivement les exosquelettes sont en voie d'amélioration et effectivement à terme, ce sera probablement des outils intéressants. Pour l'instant, c'est des outils qu'on commence à utiliser en rééducation pour réentraîner donc des gens qui marchent déjà un petit peu. Voilà. Pour l'instant, c'est l'utilisation concrète qu'on en a dans nos services, mais c'est pas encore des outils d'assistance pour la vie quotidienne pour permettre d'améliorer la qualité de vie. C'est plus des outils d'entraînement. Blaise Hivert. Oui, ce type de développement est très intéressant parce qu'il gère l'équilibre. Et ça, c'est par exemple par rapport à l'exosquelette de Clinatec, c'est une des limitations. Donc à terme, ce type d'exosquelette pourrait être combiné de manière avantageuse, sans doute, à des interfaces cerveau-machine. Alors pour revenir effectivement peut-être au présent et moins à ces preuves de concept qui, si elles sont très impressionnantes, on l'a bien entendu, ne sont pas encore totalement transposables à la récupération, à l'émancipation, au retour à la liberté ou en tout cas à l'indépendance, voilà le mot que je cherchais. Perrine Séguin, aujourd'hui, concrètement, quels sont les apports, quelles sont les progressions que l'on fait en interface cerveau-machine et en réseau neuronal ou en machine learning qui permettent concrètement d'apporter bien du soulagement ou un peu d'autonomie, d'émancipation aux patients que vous traitez? Alors, je vais commencer par tout ce qui est réseaux neuronaux et machine learning, parce que c'est là où il y a vraiment des applications qui sont utilisables dès maintenant. On a pas mal de patients pour les grands tétraplégiques, par exemple, qui donc ne peuvent bouger ni les jambes ni les bras, qui ont des commandes vocales ou qui vont utiliser des dispositifs de reconnaissance faciale et qui peuvent avoir un pointage en bougeant leur visage. Ça va être détecté par des algorithmes, des réseaux de neurones qui vont détecter la position de leur nez et ça va pointer directement certains points sur l'écran, ça va leur permettre de sélectionner après s'ils clignent de l'œil ou s'ils font ce genre de mouvement. Donc ça, c'est déjà un apport concret de l'intelligence artificielle dès maintenant dans les services, avec des outils en plus qui peuvent être utilisés par tout le monde, la commande vocale, voilà, il y a de plus en plus d'assistants vocaux dans les familles. Après, pour les interfaces cerveau-machine, quels sont les apports concrets actuellement? Donc dans les services, on n'en a pas. Par contre, il y a quelques patients dans le monde qui ont pu avoir des bénéfices directs, pas juste être des patients implantés au service après de la suite de la recherche, mais avoir un bénéfice direct. C'est quelques patients en locked-in syndrome, c'est-à-dire les patients qui ne peuvent bouger que les yeux, qui ne peuvent pas parler. Et ces patients-là, ils rapportent qu'ils ont une qualité de vie correcte, mais quand ils ont des difficultés de communiquer, c'est-à-dire qu'ils ont un clignement d'œil qui est pas bien fiable ou une direction du regard pas bien fiable, là, ça baisse leur qualité de vie. Et du coup, des patients comme ça ont été implantés à Utrecht, aux Pays-Bas, sur des longues durées. Et c'était des patients qui avaient une maladie évolutive. Et au fur et à mesure, ils perdaient le contrôle de leurs yeux. Et là, ils se sont mis à utiliser leur implant tout le temps, en fait. Et donc là, pour le coup, leur qualité de vie est vraiment, on l'imagine, améliorée par cet implant. Et les équipes continuent d'améliorer en fonction des demandes du patient, qui leur demande par exemple qui a besoin de faire un signal d'urgence quand il commence à étouffer ou pour pouvoir appeler quelqu'un à l'aide. Donc là, il y a des projets qui sont vraiment designés sur mesure pour aider ces patients-là. Donc c'est eux qui ont le principal de bénéfice pour l'instant, c'est des patients qui n'ont presque plus aucun contrôle moteur. Alors que le patient, par exemple, implanté là à Clinatec, c'est un patient qui peut bouger un joystick de sa main gauche pour déplacer son fauteuil. Donc il peut parler, il peut bouger ses yeux, donc il a déjà accès à pas mal d'outils d'assistance technologique. Donc c'est, pour l'instant, on reste confiné à une population très très limitée et très ciblée qui peut bénéficier de ces interfaces. Blaise-Hiver, aujourd'hui, la recherche justement en intelligence artificielle, elle cible effectivement ces patients qui souffrent de handicaps très lourds, de handicaps moteurs, de quasi état de paralysie. Ça veut dire que on a aussi d'autres formes d'assistance, notamment au contrôle juste de prothèses. Quel est le champ exact d'application de ces progrès en informatique? Alors déjà, je voulais juste revenir sur le terme intelligence artificielle parce que il peut être un petit peu. C'est bien que le terme intelligence artificielle voilà. Fait beaucoup débat. Voilà, exactement. Et en fait, au final, ces algorithmes sont sophistiqués, on va dire, mais peut-être pas complètement vraiment intelligents, dans le sens où ils sont entraînés sur des données qu'on leur présente et ils savent reproduire ce qu'on leur a présenté. Voilà, ils n'iront pas tellement plus loin que ça. Au niveau des applications, ben elles sont multiples. Il y a tout d'abord au niveau du contrôle moteur, jusqu'à présent, ce qui avait été démontré, c'était des contrôles d'effecteurs externes, de bras robotisés. Maintenant, il y a des études qui permettent de stimuler directement la périphérie de la main du patient à partir de l'activité corticale là où on va maintenant, c'est d'injecter des retours artificiels. Une fois qu'on a, par exemple, on parlait de l'appréhension tout à l'heure, si vous prenez un verre ou si vous prenez un œuf, vous voulez savoir quand est-ce que vous l'avez pris, quand est-ce que le moment du toucher. Et donc pour ça, il faut renvoyer un signal sensoriel. Du neurofeedback. Alors c'est pas du neurofeedback. Le neurofeedback, c'est plus visualiser l'activité cérébrale et la voir sur l'écran. Enfin, d'une manière. Là, c'est vraiment renvoyer une perception sensorielle par des micro-stimulations au niveau du cortex somatosensoriel. Donc il y a des équipes, notamment à Pittsburgh, qui combinent le contrôle d'effecteurs et le retour sensoriel artificiel par des stimulations. Donc l'enregistrement dans le cortex moteur et la stimulation dans le cortex sensoriel. Et exactement, du coup, sur ces problématiques de retour sensoriel, dont on avait déjà parlé d'ailleurs, je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée aux différentes émissions, que ce soit tant sur l'interface cerveau-machine que sur, bien sûr, les membres artificiels. Tout ça, aujourd'hui, quel est le progrès que permettent justement le machine learning, les réseaux neuronaux pour affiner en fait justement soit le mouvement, soit le retour de sensation? Comment est-ce que ça s'interface justement avec les interfaces et les implants physiques? Alors dans toutes les interfaces cerveau-machine, il y a un mode, on appelle ça un modèle ou un algorithme qui permet de traduire entre guillemets l'activité cérébrale en paramètres de commande de l'effecteur. Perrine en parlait tout à l'heure, ce qui avait été utilisé au départ, c'était un modèle physiologique qui était basé sur la direction préférentielle des neurones des motoneurones du cortex moteur. Donc certains neurones codent pour une direction de la main vers la droite, d'autres vers la gauche, d'autres vers le haut, d'autres vers le bas. Donc si on combine tout ça, on arrive à reconstruire à peu près n'importe quel mouvement en combinant leur activité, si on arrive à suivre l'activité de ces neurones. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'en mettant des réseaux de neurones artificiels, des espèces de boîtes noires, en fait, entre l'activité cérébrale et les mouvements qu'on veut reconstruire, eh bien, ces réseaux de neurones permettaient de mieux, s'il y avait suffisamment de données, permettaient de mieux reconstruire ces trajectoires. Alors, on comprend, il n'y a plus de physiologie derrière ça, on comprend plus, enfin, il n'y a pas de signification physiologique au décodeur, c'est des espèces de boîtes noires, mais ils finissent par mieux marcher que les modèles physiologiques. Perrine Séguin, à ce propos ? Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est des boîtes noires. Après, ils amènent quand même une certaine compréhension du fonctionnement du système moteur. Là, dans le papier Clinatech, ils ont relevé les zones qui étaient ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les zones qui sont les plus informatives pour contrôler le mouvement dans le cortex cérébral qui est enregistré par l'électrode. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont aperçus que les zones utilisées le plus pour la classification par l'interface cérébro-machine, c'était les zones normales de commande de la main, de commande du membre inférieur, même si elles sont pas directement accessibles, c'était parce qu'elles sont au centre du cerveau, donc c'est pas très facile de détecter le signal en surface. Mais on voyait que l'électrode la plus spécifique pour aller déclencher la marche, c'était l'électrode la plus proche de cette zone-là. Donc ça, c'était un point d'interrogation qui est important. Est-ce que les patients qui sont paralysés depuis plusieurs années, comme c'est le cas quasiment dans toutes les études qui sont faites actuellement, est-ce qu'ils gardent la même organisation du cortex moteur que les sujets sains chez qui sont faites la majorité des études d'enregistrement cortical? C'est-à-dire, en général, quand on veut décoder du signal cérébral, on va chez des patients épileptiques qui sont déjà implantés pour trouver leur foyer de crise d'épilepsie, et on regarde chez eux, quand ils s'imaginent bouger de la main ou bouger la jambe, ce qui se passe. Et donc, eux, ils n'ont pas de lésion motrice. Donc, voilà, on s'attendait à ce que les signaux soient normaux chez eux. On n'était pas sûr chez les personnes avec un handicap moteur. Et voilà, plus il y a d'études de ce type-là, plus on se dit qu'il y a des chances que ce soit possible. Après, il faudra vérifier si c'est le cas pour tous les patients. Là, ce patient-là, il a été sélectionné avec une procédure. Il y avait des enregistrements en préopératoire avec une IRM fonctionnelle, avec de la magnétoencéphalographie. Voilà, c'est regarder l'activité électrique du cerveau pour voir si ces zones motrices étaient bien fonctionnelles. Avant d'aller implanter, il faut vérifier que ces zones-là marchent. Et on ne sait pas combien de patients ont été screenés pour aller mettre cet implant. Donc, il faudra voir chez l'ensemble des patients quelle proportion a encore un cortex moteur bien efficace. Une question aussi, parce qu'on parle beaucoup de cet exosquelette et de cette publication dans Lancet Neurologie. Il y a une autre étude qui est parue là, le 21 octobre, qui rejoint plus que vous évoquiez tout à l'heure, Perrine Séguin, qui est elle aussi assez impressionnante, qui a permis, justement, grâce à un réseau neuronal, à un patient tétraplégique d'écrire manuellement, en imaginant former des lettres. Vous pouvez nous dire de ce qu'il faut penser de cette étude ? Eh ben, alors moi j'ai trouvé que une référence vers un poster, c'est-à-dire une communication de congrès pour cette étude. Donc je ne sais pas si l'étude entière est sortie. Dans ce cas-là, ça m'a peut-être échappé. On va vérifier ça tout de suite. Ouais. Et en fait, du coup, bon, ce que j'ai vu dans le poster, j'ai trouvé que le concept était très intéressant parce qu'à ma connaissance, c'est la première étude qui s'interroge pour écrire par la main des lettres. Est-ce qu'on peut décoder ça dans le cortex moteur directement? Et effectivement, je trouvais que le concept était très novateur. Les résultats qu'ils annoncent sur le résumé du poster sont effectivement impressionnants, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un travail qui n'a pas encore été reviewé, en tout cas moi ce que j'en ai vu. Donc il faut attendre qu'il y ait eu une analyse en profondeur des méthodologies de l'étude pour s'avancer un peu plus. Pardon, excusez-moi. C'est des chercheurs de l'Institut de Neurosciences Woodside de l'Université de Stanford. On va chercher, oui. Parce que je crois avoir lu le papier. Donc on va vérifier. D'accord. Si l'étude a été effectivement peer-reviewée ou si c'était de la prépublication. On va vous dire ça dans quelques instants. Un mot peut-être là-dessus, Blaise-Hiver? Moi, je suis comme Perrine, je ne connais pas cette étude, donc. Alors, voilà. Je vais pas vous demander de vous exprimer sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Désolé. Non, peut-être pour étendre un peu ces questions. C'est vrai que si on se pose toutes ces questions, si ces études avec exosquelettes, avec des membres artificiels qui recommencent à fonctionner via des implants neuronaux, tout ça donne toujours lieu à des publications et des reportages très grand public et qui donne effectivement, comme le disait Perrine Séguin tout à l'heure, un certain nombre d'espoirs et parfois des espoirs un peu démesurés malheureusement aux patients. Mais là, on parle de d'handicap physique, mais on a vu aussi, notamment grâce à des implants neuronaux, des patients recommencer à percevoir alors qu'ils avaient perdu la vision. On peut aussi travailler sur l'ouïe et sur la façon dont l'intelligence artificielle, voilà ma question, Blaise Hivert, comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui et ses réseaux de neuronaux et ses réseaux de machine learning interviennent dans la restitution d'un certain nombre de perceptions qui ont pu être dégradées ou perdues chez des patients? Alors on peut prendre il y a une très jolie étude qui a été publiée cette année dans Nature sur la parole. Il y a un certain nombre d'équipes dans le monde, enfin pas beaucoup, mais dont une équipe à UCSF et puis notre équipe également, qui cherche à retranscrire l'activité corticale en flux de parole continu. Et il y a eu des travaux de UCSF qui ont montré qu'il était possible d'entraîner un réseau de neurones artificiels pour transformer l'activité corticale en trajectoire articulatoire des différents articulateurs qui constituent le conduit vocal, donc les lèvres, la langue, la mâchoire, le palais mou, etc. Et donc avec suffisamment de données, donc c'est un peu le problème des réseaux de neurones artificiels, c'est qu'il leur faut beaucoup de données pour apprendre, mais avec suffisamment de données, la reconstruction est bonne. Et ensuite, il y a un deuxième réseau de neurones. Donc là, nous, on avait publié ça, qui c'était de transformer ces mouvements articulatoires en paroles audio. Et UCSF a la même approche. Donc il est possible de construire un autre réseau qui, lui, va transformer ces mouvements articulatoires en paroles. Du coup, on a un premier réseau qui transforme l'activité corticale en mouvements articulatoires et un deuxième, les mouvements articulatoires en parole, et en combinant tout ça avec suffisamment de données d'entraînement, de calibration, et on arrive à... Ils ont montré à UCSF, là, cette étude dans Nature, qu'il était possible de reconstruire de la parole relativement intelligible à partir de données corticales. On vient de vous reposter effectivement un lien vers cette étude, vers l'étude qu'on évoquait tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui aide une personne paralysée à écrire, un lien vers un article de Futura Tech qui renvoie directement vers le papier publié dans Neuroscience 2019. Donc manifestement, ça a tout de même été publié. Voilà, Perrine Séguin. D'accord, très bien. Merci. Un mot, parce que effectivement on parle de situation de handicap très lourd aujourd'hui, un mot sur ces interfaces, ces programmes qui peuvent permettre justement de sortir de la clinique, de sortir du laboratoire et de commencer à certains patients à retrouver une forme d'autonomie, Perrine Séguin. Oui, voilà, comme je vous le disais, pour l'instant, ça concerne ceux qui ont vraiment des bénéfices, ça concerne une poignée de patients par an. Dans l'histoire des interfaces cerveau-machine. Donc ça reste à confirmer et c'est vrai qu'il faut essayer à mon sens, de cibler les études vraiment vers le bénéfice maximal en termes d'autonomie à chaque fois. Parce qu'on peut pas uniquement faire des études de preuve de concept et il faut, parce que après comment est-ce qu'on délègue la suite en fait du développement au service de l'indépendance des personnes? Pour l'instant c'est surtout les grosses équipes qui doivent prendre en charge aussi cette partie-là. C'est pas accessoire en fait dans la recherche qui est faite pour ces patients. Et donc ça, pour toutes ces recherches qui sortent du laboratoire, il y a aussi des événements qui permettent d'accélérer ça. Par exemple, vous avez le Cybathlon qui se fait à Zurich tous les 2 ans depuis quelques années. C'est un événement qui se veut comme une compétition sportive où il y a des patients qui viennent, qui contrôlent les interfaces cerveau-machine, qui utilisent des exosquelettes et qui sont challengés avec des tâches de la vie quotidienne. Donc il y avait des gens avec des bras robotisés qui essayaient d'attacher des pinces à linge, par exemple, des gens avec une interface cerveau-machine qui contrôlaient un avatar sur un écran ou qui avaient des commandes spécifiques à réaliser. Et ça, c'est des événements qui sont très intéressants parce qu'ils sont centrés sur l'utilisateur. Ils permettent de réunir enfin tous les acteurs et ça crée un effet de groupe et d'émulation qui est très riche et très stimulant. À ce propos, on organise aussi un hackathon, c'est-à-dire un événement d'innovation centré autour de la rééducation neurologique à Lyon l'an prochain. Voilà, on sent monter le nombre de ces projets qui visent à sortir l'innovation des cadres habituels qui sont soit la recherche, soit les entreprises privées, soit les groupes d'ingénieurs. On essaye de décloisonner de plus en plus tous ces phénomènes. Mais si vous nous donnez des informations, on va publier ce hackathon pour l'année prochaine sur le fil Twitter de l'émission. On mettra ça un peu plus tard, le temps que vous nous envoyez les informations correctes. Blaise Hiver, vous voulez réagir? Oui, je pense que, comme disait un petit peu Perrine, on en est quand même principalement à un niveau de démonstrateur pour ces différentes interfaces cerveau-machine. Et pourquoi? Parce que pour l'instant, elles sont moins efficaces que si on utilise des mouvements résiduels de la face ou de la périphérie pour contrôler un système externe. Et pourquoi en fait ces limitations? C'est parce que on n'a pas encore les outils technologiques pour aller enregistrer de manière massive et précise l'activité cérébrale. C'est pour ça qu'il y a énormément d'études qui visent à développer des nouveaux types d'implants. Pour l'instant, les implants qui sont développés et utilisés notamment par le groupe BrainGate et Stanford et autres aux États-Unis, ce sont des implants rigides qui, du fait de leur rigidité dans un cerveau qui est mou, vont se retrouver encapsulés par une réaction du tissu. Et du coup, les signaux, on va les perdre au bout d'un certain temps. Donc tout l'enjeu... Un certain temps qui est de combien de temps en moyenne? Alors c'est assez variable, ça dépend de comment l'implant a été positionné, mais ça peut être quelques mois à quelques années, disons. Mais disons que, surtout, c'est les signaux qui sont enregistrés d'un jour à l'autre peuvent varier. Et donc, pour que le patient puisse s'entraîner à contrôler les signaux qu'il émet, si on n'enregistre pas toujours les mêmes signaux, à ce moment-là, il ne pourra pas apprendre, lui, à moduler ces signaux de manière de plus en plus efficace. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire des implants stables, qui enregistrent des signaux stables. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est mettre des électrodes à la surface de la tête, ça, c'est stable. Clinatec vient de montrer qu'ils avaient des enregistrements stables en mettant des électrodes en surface de la dure mère, ce qui est un premier niveau d'amélioration. D'ailleurs, ils contrôlent un peu plus de degrés de liberté que les systèmes EEG. Et électroencéphalogramme. Et électroencéphalogramme de surface, voilà. Et l'étape d'après, c'est d'arriver à faire des enregistrements stables au niveau des cellules individuelles à l'intérieur du cortex. Donc là, c'est tout le projet, par exemple, qui a été très médiatisé de Neuralink, par exemple. Neuralink, qui est le projet, on peut en dire un mot, d'Elon Musk. Voilà, qui vise à développer, mais il y a d'autres groupes dans le monde, développer des implants souples pour enregistrer l'activité de neurones individuels. Nous, dans un projet européen qui s'appelle BrainCom, on développe des implants souples en partenariat avec l'université de Barcelone pour mettre des réseaux de transistors en surface du cortex ou à l'intérieur du cortex également, pour enregistrer un maximum de cellules simultanément. Et là, on peut espérer avoir plusieurs milliers de points de mesure simultanément. Les implants souples, ce sera la prochaine étape. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Perrine Séguin, merci Blaise Hiver, merci à tous les trois, Mathieu Vigne également, d'être venu nous parler de l'intelligence artificielle et de ce lien et de cette aide au handicap. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, c'est le jour de retrouver les idées claires en podcast sur votre application de podcast préférée qui va devenir l'application de podcast de Radio France, qui est somme toute très bien faite, mais aussi sur les réseaux sociaux de France Info et de France Culture, avec aujourd'hui une question qu'on n'est pas très content d'avoir eu à traiter, mais bon, en même temps, c'est dans l'air du temps, puisque manifestement, il y a des gens qui répandent cette idée-là aujourd'hui. Nous expliquons pourquoi l'homosexualité n'est pas vraiment un choix individuel. Ça se retrouve sur le Facebook et le Twitter de France Culture et de France Info. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Céline Lozed, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Marie-Claire Oumabadi à la technique. Demain, comme tous les jeudis, c'est l'histoire des sciences. On va vous parler de ce bon vieux docteur Freud, mais pas pour évoquer ses apports à la psychanalyse, mais au contraire à la psychiatrie, à la neurobiologie. Allez, on sort du divan demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.